Nous avons l'intention, en dehors de la petite aventure que ceci représente, d'écrire au fur et à mesure du voyage un livre qui raconterait d'une façon tout à fait littéraire, poétique et humoristique les étapes, événements et expériences divers que va nous offrir sans aucun doute une expédition aussi étrange. Cela s'appellera peut-être Paris-Marseille par petit parking, et bien sûr l'autoroute serait la protagoniste principale. Faire le voyage de Paris à Marseille. Faire le voyage de Paris à Marseille sans quitter l'autoroute une seule fois. 2. Prendre connaissance de chaque parking, à raison de 2 parkings par jour, en passant toujours la nuit dans le deuxième, quel qu'il soit. 3. Faire des relevés scientifiques de chaque parking et prendre note de toute autre observation pertinente. 4. S'inspirant peut-être des récits de voyage des grands explorateurs du passé, écrire le livre de l'expédition. Modalité à déterminer. Les autonautes de la Cosmoroute, ou un voyage intemporel Paris-Marseille, de Carole Denlop et Julio Cortázar. Épisode 4, un monde de camions. Mercredi 9 juin, 8h, 25 degrés Celsius. Petit déjeuner, jus d'orange, croissant, tartine. Café. 8h55, départ. 9h, panneau, vignoble du Beaujolais. 10h10. Un signe dont les anciens explorateurs comme Christophe Colomb comprenaient toute l'importance. Une Carole. Mouette qui nous survole. Péage en vue. On fait comme on a dit. Hein. Ok, attends. Très décontracté. Ok. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, bonjour. Tu me passes le ticket, Carole, s'il te plaît. Oui, attends, c'est peut-être dans ma veste. Oh, attends. Monsieur, excusez-moi. Ah. On va trouver tout de suite. Si vous n'avez pas le ticket, ça va vous coûter gros. Ah bon? Ah bah, 133 francs. Hein. 133 francs? Bah ouais, c'est le tarif forfaitaire. Non, mais c'est le tarif depuis Paris, ça. Bah oui, mais c'est comme ça, hein. C'est pas moi qui fais la règle. Hein. Tant pis. Bon bah, d'accord. Attendez une seconde, je cherche. Mmh. Voilà. Mais par contre, si vous me donnez votre numéro d'immatriculation, oui. Vous faites réclamation, oui. Et vous êtes remboursé, il n'y a pas de problème. Ah bah d'accord, on va faire comme ça alors. Ah bah oui. Je cherche le numéro. Alors, attends, tiens, le voilà. Alors, 16h04. 93 69. 133 francs. 69. Nous prions l'employé de nous excuser d'avoir égaré le ticket. C'est ça. Et tout se passe bien. Merci beaucoup. Il note quand même notre numéro d'immatriculation. Bonne journée, monsieur. Ça va. Moi, franchement, je trouve que c'est pas cher pour une exploration de 133 francs. And here's to you, Mrs. Robinson. I love you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. Enfin, et il était temps, on parle des camions qui n'ont pas cessé de passer depuis le début et où l'on enquête sur les raisons pas toujours claires et évidentes qu'ils ont d'être et de se trouver là. Non, c'est sûr, il ne peut pas s'agir d'un circuit de trafic d'armes, mais les camions sont quand même contrôlés. Non, il ne s'agit pas de missiles ou d'hélicoptères. Non. Si ça se trouve, ils transportent des chargements honteux qu'aucune entreprise ne se risquerait à vanter. Là, par exemple ? Par exemple, du tapioca ou des crèmes dépilatoires. Du vermicelle en vrac. C'est vrai que personne ne serait fier de clamer qu'il transporte un chargement d'épingles à nourrir sous le bavoir. En vrai, il pourrait aussi s'agir de choses encore bien plus secrètes. Ah bon, comme quoi ? Un chargement de vibromasseurs qu'un club de vicieux d'Oslo aurait pu acheter aux Yougoslaves sous prétexte que les socialistes font mieux en la matière que Hambourg ou la Russie. Ce camion qui vient de nous dépasser. Ah bah ça, c'est un chargement d'obèses hollandais destiné aux expériences diététiques d'un institut de Milan. Oh. Et pourquoi pas un lot de gants en caoutchouc. En fait, ils transportent rien du tout. C'est juste un riche milliardaire américain qui s'amuse à lancer ce genre d'expérience en Europe. Tafner, allons rejoindre notre prochain parking. Va falloir élucider cette histoire. Oh. très moche parking tout pelé et brûlé de soleil et presque vide. Et un camion s'arrête devant Fafner. Le routier descend se laver les mains. Hola. Hola, señor. Pas trop crevé avec toute cette route. C'est mon métier. Ouais. Non, pas toujours facile. Hein. Enfin, c'est un métier qui vous laisse beaucoup de liberté. Bien plus que si vous étiez employé de la poste ou de la banque. Oui, c'est vrai, mais c'est surtout vrai pour les célibataires. Ah ben oui, bien sûr. Parce que vous... Bah, moi, j'ai une petite qui vient de naître il y a 2 jours à Malaga. Ah, lo felicito. Gracias, gracias. Et tout s'est bien passé pour la maman? Ah oui, oui, oui, oui, oui. Mais imaginez-vous qu'on pensait que ça serait pour dans 10 jours, quand je serai de retour. Et putain, la gauche nous a pris de vitesse. Vraiment, c'est une belle nouvelle, ça. Ah oui, ah oui, ah oui. Encore... Toutes mes félicitations. Merci, merci. Gracias. Dites-moi, je me posais une question bête. Oui. Qu'est-ce que vous transportez dans des camions si grands? Ah, pas grand-chose. Mais... Des oranges d'Espagne. Ah oui. Bon, je vais pas tarder à reprendre la route. Je venais juste pour me dégourdir un peu les jambes. Ah. C'est votre femme qui se bat là-bas? Le camionneur s'approche de Carole pour lui serrer la main et lui répéter son histoire brièvement, avant de soudain regrimper dans son camion, le regard illuminé de bonheur. Il y a maintenant 2 personnes de plus qui sont au courant pour sa petite. 2 inconnus qui se sont réjouis avec lui dans un parking du monde et de la vie. Jeudi 10 juin, 10h02. Grâce mat. Petit déjeuner, jus d'orange, croissant, tartine, café. 52 degrés Celsius. 10h20, panneau, Lyon. Mais c'est quoi ce truc? C'était un singe. Sur l'autoroute, un singe écrasé. Enfin, Carole a vu un singe. Ah, 10h25, première indication de Marseille. 11h12, air de Soleil. Un vacarme épouvantable. L'horreur des horreurs. Mais il y a un buffet. 15h. Finissons par découvrir un recoin secret presque à la sortie du parking où il y a un peu d'ombre. Nous nous y installons car Fafner n'en peut plus de ce désert de béton, surchauffé par un soleil de plomb. Les grands parkings, qui ont stations-service, boutiques diverses et presque toujours un restaurant, voient naître chaque soir une petite ville éphémère, changeante, qui n'existera qu'un seul soir. Et sera remplacée par une autre, semblable, mais différente, le lendemain. Soudain, la ville est au complet. Et c'est la ville la plus internationale du monde, avec des maisons bulgares, françaises, allemandes, espagnoles, grecques, belges. Des maisons profondes qui portent des inscriptions ou de grands panneaux, et dans lesquelles gîte le mystère. Au moment d'aller nous coucher ce soir-là, nous réalisions qu'après tant de jours d'avancée et d'exploration, nous avions été acceptés par une de ces villes éphémères. Que, sans le savoir, les routiers nous entourèrent d'une cérémonie d'initiation et de reconnaissance. Ils nous remettaient les clés invisibles de la ville fantôme. À l'aube, l'endroit serait désert et gris. Fafner se réveillerait comme Cendrillon sur une aire de ciment vide et indifférente. Après, nous avons dormi. Oursine. Et tu as continué de dormir tard dans la matinée, et je fus seul à voir la fin de la nuit du parking. Le soleil rasant qui transformait l'accordéon de Fafner en une coupole orange vif, qui glissait entre les rideaux pour nous rejoindre dans le lit, pour venir jouer dans tes cheveux, sur tes seins, sur tes cils, qui paraissent toujours plus... toujours beaucoup plus... quand tu es endormi. Et moi, j'ai joué à un dernier jeu. Un jeu qui vient de l'enfance, qui consiste à se recouvrir du drap, à disparaître dans ces eaux d'air épais et couché sur le dos, à relever les jambes afin de soutenir le drap avec les genoux, pour en faire une tente, et puis, à l'intérieur de la tente, établir le royaume et là, jouer à penser que le monde est seulement ça. Que hors de la tente, il n'y a rien. Qu'on est bien dans le royaume et que rien d'autre ne manque. Tu dormais. En me tournant le dos, et me tournant le dos, tu me tournais la tête. Car ton dos baignait dans une clarté d'apparition qui naissait du soleil filtrant à travers le drap, devenu coupole translucide. Un drap à fines raies vertes, bleues et rouges, qui se résolvait en une poussière de lumière. Or flottant où ton corps inscrivait son or plus sombre. Bronze et mercure. Zone d'ombre bleue, creux et vallon. Je ne t'avais jamais autant désiré. Jamais la lumière n'avait autant tremblé sur ta peau. Tu étais Lilith. Tu étais Cypris. Tu renaissais de la nuit du parking comme les murmures grandissaient au dehors, les moteurs démarrant l'un après l'autre, la rumeur de l'autoroute augmentant avec l'afflux que chaque parking lâchait après le temps du sommeil. Je t'ai regardé si fort, sachant que tu allais t'éveiller, l'air perdu et étonné, comme toujours, que tu n'y comprendrais rien. Ni la tente secrète, ni ma façon de te regarder, que tous les deux, nous commencerions la journée comme toujours en nous souriant et... jus d'orange? En nous regardant et... café? Café, oui. Des montagnes de café. À l'entrée de la vraie forêt, il y a un chien invisible, attaché à un arbre par une laisse rouge, que l'on a pris la peine d'assujettir par un double nœud. Je ne comprendrai sa véritable fonction qu'après avoir pris le sentier qui avance dans la forêt. Loin, tellement loin, que subitement j'ai peur. Il fait sombre. Et le sentier s'éloigne à l'infini sous des arbres immenses. Derrière moi, rien. D'autres arbres. Comme si, même en revenant sur mes pas, je ne pouvais que m'enfoncer davantage dans la pénombre. Je me souviens pourtant parfaitement du paysage aperçu de ce côté-ci au moment de quitter l'autoroute. Un petit bosquet d'arbres peu feuillus, comme on en trouve souvent en bordure des parkings. Un petit bois qui se terminait au bout d'une vingtaine de mètres par un champ. Pourtant, j'avance toujours sans apercevoir le bout de cette forêt ancienne et touffue, dont l'ombre est à peine interrompue ici et là par des taches de soleil que filtre un feuillage dense. Je ne perçois plus le bruit lointain des voitures qui nous accompagnent depuis longtemps déjà. C'est à peine si mes propres pas font entendre un léger glissement du sous-bois. L'interdit. Je sais qu'aucune clôture ne m'a barré le passage, et pourtant, les diables pousseraient-ils la perversité jusqu'à poster des cerbères invisibles à l'entrée des passages interdits? Sous prétexte de prendre un peu d'exercice, je reviens en courant. Sortir de cette ombre menaçante. Je ne ralentis qu'en voyant le bon vieux Fafner qui trône placidement à côté de Julio, celui-ci tout occupé à taper furieusement à la machine. Rien n'a changé. Tout juste la lumière qui a baissé un peu. Et pourtant, le danger était proche, réel, épouvantable. Dimanche 13 juin, temps frais, presque froid, ciel nuageux. Nous nous installons à une table pour attendre la deuxième expédition de secours. La pluie nous oblige à nous réfugier dans Fafner. Petit déjeuner. Jus d'orange, madeleine, café. Les premières gouttes de pluie effleurent les cornes délicates de l'escargot qui s'enferme précipitamment dans sa maison spiralée. En moins d'une minute, nous avons replié les chaises longues, alias horreur fleurie, à cause de leur toile imprimée que Carole, dans sa perversité, n'a pas voulu changer malgré mes supplications, et nous nous sommes réfugiés dans Fafner, qui, quelques instants plus tard, devient une reluisante bulle rouge, comme il arrive sans doute à tous les dragons lorsqu'une averse les surprend hors de leur caverne. Rien n'arrête les vaillants explorateurs. L'oursine installe sa machine à écrire sur le siège du conducteur et écrit assise sur celui du copilote. Derrière, Je déplie la table, j'organise mon bureau, comme il convient à un autre membre de l'intelligentsia, qui par ailleurs aime ses aises et se réserve quand même les meilleures places. C'est après une pluie abondante que nous avons vu arriver la Volkswagen de Jean, d'où il émergea bientôt avec son fils Gilles et Brynhild Mascret, les bras chargés de bouteilles et de paquets. Hola ! Amiral Cortazar ! Salut ! Ah, ça, ça fait plaisir ! Voilà la brigade du ravitaillement ! Comment le deuxième relais logistique s'effectua avec une perfection sans précédent qui laissait présager à coup sûr le triomphe imminent de notre vaillante expédition. Vous n'avez pas eu trop de mal à nous trouver ? Ben, sans aucun problème. Non, étonnant. Sinon, vous mangez quoi ? J'ai ma boussole. Ben, ça dépend des jours. Des fois, on lèche un peu les arbres ou bien on fourmille. Ou... Ouais, vous, je Carole aime beaucoup les moustiques. Et de la mousse. Elle n'a jamais mangé de la mousse. Alors, tiens, voilà. Il y a de la salade, des poulets rôtis, tomates, fèves... Ah, et des oranges pour éviter le scorbut. Poivrons, glaçons, boîtes de crème et autres victuailles, et même, Rolio, tiens-toi bien, 4 bouteilles de scotch. Oh, caramba! Ça, ça vient à bout de tous les microbes. Comme ça. Ah, voyons que c'est pas de la gagnante, en plus. On va le tester tout de suite. Hein. Je sens que j'ai une petite accès de scorbut. Et vous avez une mine superbe, l'air reposé, bronzé. Gay comme des pinsons, chapeau. Bah, c'est l'aventure, mon vieux. L'aventure. Ouais, ça doit être ça. Et l'amour. Oh, regardez, les avions en réaction. Pourtant, c'est pas le 14 juillet. Un traviateur plus tard. Ben, à mon avis, t'as tout ce qu'il faut pour. Hein. Allez, à la santé des explorateurs. Salut. Allez. À la vôtre. À la vie. C'est vrai que là, je sens plus la vie. Un petit scorbut pour digérer. Bon, et un fruit plutôt. Ah non, ça c'est très mauvais. Mmh. Ah, t'es oranges. Oh. T'en veux ? Dites-moi, vous vous êtes pas lancé dans une aventure évidente. Certains de nos amis n'y croyaient pas trop. Ah oui, certains de... n'y croyaient pas trop. Non, Vladimir, par exemple, pensait que vous n'arriveriez jamais jusqu'à Marseille. Voyons. Et pourquoi ça ? Ennui insupportable après 20 parkings, disputes conjugales, problèmes mécaniques, gastronomiques, gastriques. Oula. Et oui, j'abrège sa liste. Faim et soif provoquées par une mauvaise alimentation. Il doutait même de nous, c'est pour vous dire. Et sans compter les envies de courir au cinéma, de coucher dans un lit décent. Et Carole, de prendre une bonne douche chaude. Bon, ça, c'est vrai que c'est pas mal. Et la nostalgie du métro. Ah, Vladimir, j'ai toujours pensé que c'était un homme de peu de foi. Souviens-toi de ça, Gilou. Ok, Julio. En fait, il a même voulu parier. Parier ? Mm-hmm. Il a parié sur notre voyage ? Oui. Un repas pour 5 personnes et dans un restaurant pas donné en plus. Oh, mais le chameau ! Ah, mais je suis sûr de gagner. Il suffit de vous regarder après 20 jours de combat et de percées glorieuses. Ah, vous avez un moral d'acier. Bah, évidemment. Hein. Tu diras à Vladimir de ma part que nous réjouissons de faire un dîner formidable grâce à lui d'ici quelques semaines. Et pas question de dur et de ton en boîte. Pour des gens qui en seront à leur 32e jour de martyr, on veut que le meilleur. Non. Attendez. Je fais une photo de groupe, bougez pas. Voilà. Alors, faut immortaliser. Gilou. Viens là, mets-toi devant. Allez, hein? Souris. Dépêche-toi, Carole. Attendez, allez, tu prends une place, voilà. Je me mets là, tous. C'est bon. Où l'oursine parle au loup et où tout est dit pour toujours. L'autoroute, c'est moi. Toi, non. Et quand ta langue cherche la mienne et se déroule, escargot dans l'escargot, ta langue glissant à l'infini, se déroulant au fond de la bouche, éclat du temps éclaté, long ruban de béton chaud et moi, escargot aussi, ta langue s'étire, je suis un précipice, je l'avale, et dans cette fièvre sans fin, c'est ton visage qui entre en moi, tes cheveux, tes yeux, qui cillent de surprise, ils se croyaient dehors, ils chatouillent à hauteur de quelque chaleur interne, toi, te faufilant jusqu'au coude, moi, avalant tes fesses, sans que cesse le baiser. Le premier, te faisant place, l'obscurité humide se fend, et toi aussi à hauteur de ventre, mille escargots, dansant gravement en spirale. Moi, l'autre coquille aussi. Nous nous embrassons toujours à en perdre haleine, cherchant le souffle au-delà. Toi, engouffré, sans disparaître, d'où tu es, tes yeux en moi et en face, où le regard s'est fait reflet de 2000 regards. et tu m'aspires. Je plonge comme une pêcheuse de perles. Langue. Rien d'autre que cette langue qui se laisse happer, étirer, traînant après elle cette soif que jamais nous ne pourrons assouvir. Tout le corps qui s'amincit pour glisser au plus profond, au plus opaque, et se reprendre dans ta violente douceur. Quand nos corps sont déjà passés l'un dans l'autre par la langue, quand tu es oiseau battant de l'aile dans ma poitrine, serpent entourant mes hanches du côté invisible de la peau, il faut revenir, respirer comme des presque noyés, mais nous sommes déjà noyés. Jamais on ne peut récupérer tout son corps avant que les bouches s'arrachent l'une à l'autre avec la violence de l'étranglement. Tu es si jeune. Tu ne vois pas toutes ces années que je porte en moi aussi. Ces années d'un âge bien plus grand que... Ne parle pas du temps. Mais si, parlons-en. Nous qui ne sommes pas des enfants. Nous sommes dans le temps, comme dans ce voyage, dedans. Tu ne vois pas qu'il n'y a plus ni quatre, ni trois, ni deux temps. Es un tango. Tango. Mon origine. J'ai si souvent chuté dans le gouffre noir que je sais marcher dans l'obscurité et couper 1000 fois, 10 000 fois la tête de l'hydre sans avoir l'illusion de l'empêcher de poursuivre encore et toujours sa sinistre croissance. Pour l'instant, grand loup marin, nous voguons sur une eau calme, claire, troublée seulement par des visions de rives où horreur, torture et guerre s'agitent et nous guettent. Mais nos vagues ne forment qu'une houle qui respire au rythme de notre folie. Ta voix est claire, mais quand vient ce voile de tristesse? Quand à peine le voyage commençait de nouveau, tu redoutes son terme. Comment me taire et comment parler? En son temps, cette tristesse, mon amour. En son temps, encore lointain et double. Aussi grande que soit l'obscurité, il n'est pas de noirceur qui me fasse reculer. À t'en nager dans les grandes eaux noires, on apprend à flotter dans l'obscurité. Exclut déjà les vieillesses humiliantes, les cauchemars sanitaires. Et le reste n'est pas pour maintenant, et il n'y a plus de solitude possible. N'as-tu pas compris quel cadeau de la vie cela a été de ne pas mourir il y a un an? Coupure, départ, et l'inconnu qui s'étend pour bien des années encore, si tu veux bien l'explorer avec tes yeux d'enfant. Nous ne quitterons pas l'autoroute à Marseille, mon amour, ni ailleurs. Il n'y a de retour en arrière qu'en spirale. C'était Les Autonautes de la Cosmoroute, ou un voyage intemporel Paris-Marseille, de Carole Denlop et Julio Cortázar. Adaptation Leslie Menahem. Avec Bruno Abraham Kremer, Julio Cortázar, Violaine Schwartz, Carole Denlop et Olivier Creveillé, Pauline Ziadé, Odja Lorca, Valérie Moinet, Emiliano Suarez, Michel Baladi. Bruitage, Patrick Martinache. Musique originale, Dominique Massa. Interprété par Mathieu Beauchat, Virgile Lefebvre, Erwan Ricordo, Dominique Massa. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Martin Delafosse, Marie Jaworski. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Pascal Deux. Remerciements à Daniel Coulon et à son combi Volkswagen. Les Autonautes de la Cosmoroute, de Carole Denlop et Julio Cortázar, traduit par Laure Guil Bataillon et Françoise Campo, a été publié aux éditions Gallimard.